Quand en passant dans la rue, je vois une affiche de Twilight, je me mets à hurler. Robert, je t'aime! C'est pas grave s'il a un nom à la con, si dans Harry Potter je le calculais pas. Moi je le kiffe parce que c'est un vampire, dans une merveilleuse histoire d'amour. J'aurais toutefois aimé que Meyer décrive tout quand il a tronché Bella, j'embrouillais mes couvertures d'avance. Finalement rien, trop dégoûté. Quand je crie que Pattinson est trop beau, quand je dis qu'il vaut mieux que Roméo, quand j'appuie que Shakespeare vaut pas Meyer, tout le monde rit en disant « Ah ça c'est la meilleure !» Puis après on me dit « J'en ai pas peur !» En passant dans la rue, je vois qu'on va encore sur les Beatles. Moi je me dis qu'ils sont trop has-been. Bip Justin Bieber. J'aime sa petite voix fluette, son talent inventé par les maisons de disques, son look de gamin de 12 ans alors qu'il en a 16. Oui je sais, c'est excitant. J'adore sa coupe de cheveux Lego, il est vraiment trop mignon et en plus il chante trop bien. Si un jour il me regarde, je vais devenir hystérique, comme la fois où Bill m'a touché la main, moment historique. Je criais que j'aimais Bill et qu'il était trop beau, mais je me suis senti trahi quand il s'est dit homo. Et quand je compare les Beatles à Tokyo Hotel, tout le monde s'écrie « Mais elle est pas bien elle !» Puis après on me dit « J'en ai pas peur, j'en ai pas peur, j'en ai pas peur. Tu raconteras à tes petits-enfants quel greluche tu étais quand t'avais 14 ans. Avoue quand même que c'est pas bien reluisant, j'espère que au moins auront du discernement. Ce sera toujours ça le gagner, parce que l'hérédité va pas les aider. Les chiens ne font pas des chats, ils ne seront vraiment pas gâtés. Ça fera quelques moutons de plus en offrande à cette foutue société, à laquelle tu te plies aveuglément, car tu n'es vraiment pas très futé. Oh non, pas très futé. J'ai encore une chose à dire cependant. J'en ai pas encore.